Bonjour. Et croyez-moi, c'est une très belle molécule. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient avoir des molécules comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, mon Yves, à toute votre équipe. Excellente émission, on vous écoute. C'est parti, mesdames et messieurs, nous sommes donc en direct comme tous les jours sur l'antenne d'RTL. Et nous allons vous aider, bien évidemment. Nous allons essayer de régler vos problèmes avec l'hymne, comme je l'ai demandé, de l'équipe de France pour démarrer cette émission. Parce que nous sommes à J-3, vous le savez, du démarrage de l'Euro. Et nous sommes en plein dans la compétition. Ah, nous allons nous livrer une autre compétition, celle qui consiste à régler vos problèmes. Appelez-nous au 3210 et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a encore du lourd. Et j'aurai aussi un cadeau extraordinaire pour vous dans quelques instants. Une télé de 165 cm. Alors, on va démarrer tout de suite avec notre amie Christiane qui est en ligne. Christiane, bonjour. Oui, bonjour Julien. C'est le déménagement catastrophe, Christiane. On va en parler, mais vous allez voir que Christiane se bat avec des meubles qui ont complètement disparu. Et ça, ça peut arriver à n'importe qui. Pour vous aider, Christiane, aujourd'hui, il y a bien évidemment la Divina qui est là, Maître Fellono. Bonjour, bonjour Nathalie. Christiane, bonjour à tous. Il y a deux négociateurs. Ils ont déjà la main sur le téléphone. Ils sont comme un chien qui attendrait ses croquettes, prêt à bondir à faire des numéros. Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour Julien. C'est la France qui un jour lui en dirait merci. Christiane, voici le message que vous nous avez laissé sur l'antenne d'RTL. Je suis passée par une entreprise de déménagement. Non seulement mes meubles sont arrivés avec 11 jours de retard, mais en plus, cette entreprise a sous-traité ce déménagement. Donc, résultat, on m'a perdu 4 cartons de fragiles. Je vais résumer, Christiane. Quand vous dites qu'ils ont sous-traité, est-ce que vous en êtes sûre, Christiane? Ou est-ce que vous pensez, mais vous n'avez aucune preuve, qu'il y a une autre société qui est venue déménager à la place de celle que vous aviez mandatée? Effectivement, je pense qu'il s'agit de sous-traitance dans la mesure où il est arrivé donc au matin du 27 août, donc à mon domicile, un petit fourgon tout blanc, sans autre dénomination. Oui, mais alors ça, Christiane, je me permets de vous couper, Christiane, parce que vous voyez, on peut pas dire n'importe quoi sur une grande radio. C'est pas parce qu'il y a un petit fourgon tout blanc que ce n'est pas une entreprise a le droit d'avoir un petit fourgon tout blanc. D'ailleurs, c'est très à la mode actuellement. J'ai vu le président d'Hermès passer avec un petit fourgon tout blanc. Tout le monde veut son petit fourgon tout blanc aujourd'hui. Non, c'est parce que souvent, ça peut être des camions qui sont loués. Alors, ils sont loués et en plus, sans logo. Et oui. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous avez décidé de prendre un déménagement moins cher. Un déménagement moins cher, ça veut dire que vous êtes groupé à d'autres déménagements. Donc on vous dit, on prend vos meubles, on les met dans un entrepôt, et puis dès que mon camion est plein, je vous livre. Mais on vous donne quand même une date butoir qui était de combien de jours ? Alors, j'ai déménagé donc le 27 août, et la date butoir était le 4 septembre. Donc les meubles... Oui, allez-y. Oui. Oui, c'est-à-dire que dans l'intervalle du 28 août au 4 septembre, donc la livraison devait être effectuée. Mais en fait, elle a été effectuée donc avec beaucoup de difficultés, donc à partir du 11 septembre. Voilà, c'est ça. Donc il y avait une date butoir. On vous dit, on vous prend vos meubles, on va les mettre dans un entrepôt. Dès que le camion sera plein avec d'autres déménagements, on viendra vous déménager. Mais sachez que ça sera fait avant telle date. Là, il y a du retard, mais surtout, quand les meubles arrivent, il en manque combien ? Alors, ce ne sont pas des meubles, Julien. Ce sont des cartons de fragiles. Des cartons de... Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Il y avait, alors j'avais stipulé vaisselle, sans autre dénomination, parce que je ne voulais pas susciter de convoitise. Pas bête. Donc, à l'intérieur, j'avais une cafetière, j'avais un soda stream, j'avais une imprimante. Un soda stream, j'explique, parce que mon technicien réalisateur vient de tiquer, c'est une machine qui fait des bulles. Sachez-le, monsieur Kassovitch, plutôt qu'acheter maintenant des bouteilles d'eau gazeuse, vous faites votre propre gazeuse, c'est-à-dire que vous mettez une cartouche de gaz, vous mettez votre bouteille, vous la remplissez d'eau, vous enfoncez la bouteille d'eau dans la cartouche de gaz, une petite pression, pas trop, attention, parce qu'après, elle peut être terriblement gazeuse, et si vous buvez de l'eau terriblement gazeuse, je peux vous dire que vous passez une sale journée, vous et tout votre entourage d'ailleurs aussi, mais si c'est bien dosé, ça peut être exceptionnel. Et ça peut être parfumé. Voilà, alors, juste, on va appelez maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous appelez en disant « il me manque des cartons » ? Ah mais on ne me dit rien. On a reconnu donc lors d'un mail que j'ai envoyé début septembre, qu'il comprenait effectivement la situation, que bah, il fallait donc envoyer une lettre recommandée pour indiquer donc le nombre de cartons. Et donc beaucoup plus tard, on m'a dit effectivement donc on ne retrouve pas ces cartons. Par contre, bah écoutez, on va faire une déclaration à notre compagnie d'assurance. Bon. Allez, on va les appeler. Oui, je vous écoute. Il va falloir qu'on appelle. Donc, dites-moi vite, s'il vous plaît. Donc on a envoyé plusieurs lettres recommandées, donc auxquelles on n'a pas eu de réponse. On s'est rapproché d'une association de défense de consommateurs, idem. Ils n'ont pas eu de réponse. Et là, enfin, je me suis rapprochée du service juridique de ma propre assurance, qui a envoyé également deux lettres commandées avec menace. Et là, encore, aucune réponse. Et en fait, il y a un laxisme. Ça marche, Christiane. J'ai compris, Christiane. Donc, nous sommes un peu le dernier recours. Vous avez tout essayé. Absolument. Elle a appelé des associations, elle a appelé tout le monde. Ça n'a pas marché. Vous les connaissez, Hervé ? Oui, j'y suis allé deux fois. Moi, j'étais bien accueilli. Hein. Bon, nous allons voir ce que ça va donner. Surtout que nous avons une deuxième auditrice qu'on prendra tout à l'heure au téléphone, qui, elle, a eu un problème avec eux. Nous avions appelé et une partie de son problème a été réglée, mais pas la deuxième. Nous allons commencer dans une seconde par le dépôt. Et c'est là que nous allons essayer de savoir, parce que nous ne pouvons pas l'affirmer, si c'est des sous-traitants ou pas, le dépôt où sont stockés les meubles. Les meubles de plusieurs familles. Et une fois qu'on a suffisamment de meubles à mettre dans le camion, on va déménager. Je vous promets une enquête qui pourrait nous mener très très loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je raconte ? Je vous l'ai dit en début de semaine, il y a eu les inondations. Évidemment que l'on compatit avec tous ceux qui ont vécu les inondations. Mais on avait décidé de se mettre un peu en retrait parce que si c'est pour aller sur place, dire « Regardez, il y a de l'eau partout, regardez », ça, l'info le fait. On n'apporte rien de plus. Et on vous avait dit, dès que vous aurez besoin de concret, là, votre émission 9h30-11h peut intervenir. On aura un maire tout à l'heure qui a du concret à demander, qui se bat pour sa commune, vous verrez ça. Et puis, la récompense du beau temps, la récompense des bons chiffres, puisque chaque matin, vous êtes plus d'1 300 000 à nous écouter. C'est quasiment le double de tous les concurrents. Alors, il faut vous dire merci, parce que vous nous faites un cadeau extraordinaire. Voici un téléviseur, de 165 cm avec écran incurvé, le fameux Samsung dont tout le monde rêve. 3210, touche numéro 2, ça c'est pour arriver sur le standard jeu. Et après, vous répondez à la question, bon, qui a dévoilé l'hymne officiel de l'Euro 2016. David Guetta, vous tapez 1. Nicoletta, vous tapez 2. Donc, si j'étais vous, je ferais 32-10, touche numéro 2, puis après, la touche numéro 1. Ou SMS, RTL au 74-900. Nicoletta aurait très bien pu le faire, ceci étant dit. Elle avait fait l'hymne de la Starac. Rappelez-vous, la première Starac, c'était la musique. Elle aurait pu le faire avec, je ne sais pas ce qu'elle a... Est-ce qu'elle pourrait chanter d'autres pour l'euro ferme la fenêtre et laissons les volets clos, tant pis pour le patron. Mais ça fait pas football. Vous pouvez pas, c'est pour ça qu'on peut pas lui en vouloir. À tout de suite. Hey, vous m'entendez ? C'est moi, l'oiseau du jardin. Wow, je vole au-dessus des innovations concept alu. Véranda, extension, abri de piscine et même des pergolas. Et en ce moment, à des prix exceptionnels. Véranda concept alu, l'innovation, moi aussi j'en veux. Voir conditions dans les points de vente participants. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Ah. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers, repose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Vous avez des kilos en trop et vous savez pourquoi. L'arrêt du tabac, la ménopause, une grossesse, le stress, la gourmandise, le grignotage. C'est bien de savoir pourquoi. Mais ça ne serait pas mieux de savoir comment perdre ces kilos? Eh bien, je vais vous le dire. Comme J'aime. Oui, avec Comme J'aime, vous allez perdre 5, 10, 15, 20 kilos, voire plus. Les repas sont tout prêts, livrés chez vous, c'est simple à suivre. En ce moment, profitez d'un mois gratuit. Oui, un mois gratuit. Téléphonez au 0800 507 507 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Vos pieds sont fatigués, échauffés, en feu. Vite ! La solution, c'est le baume reposant aux plantes Aquiléine. Grâce à ses extraits de plantes, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver des pieds légers et prêts à repartir. Pieds échauffés, fatigués, le baume reposant Aquiléine procure une sensation de délassement instantané et durable. Dès la première application, les pieds sont soulagés et rafraîchis. Baume reposant Aquiléine, en pharmacie et espace santé. Aquiléine. Nous, c'est le pied. Ah, les jardins au printemps. Moi, j'ai des envies de jardiner. C'est vrai, la nature se renouvelle, les couleurs explosent. Et oui, Stéphane, c'est le moment de jardiner. Et ça tombe bien. Jusqu'au 18 juin, c'est le grand jeu Tous au jardin chez Gamme Vert, avec plus de 50 000 euros de cadeaux à gagner. Gamme Vert, le goût du jardin. Jeu gratuit sans obligation d'achat, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous sommes avec Christiane, voilà ce que Christiane nous a dit. Nous allons lancer l'appel dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Je suis passée par une entreprise de déménagement. Non seulement mes meubles sont arrivés avec 11 jours de retard, mais en plus, cette entreprise a sous-traité ce déménagement. Donc résultat, on m'a perdu 4 cartons de fragiles. Donc nous ne savons pas s'ils ont vraiment sous-traité, pour tout vous dire, on s'en moque un peu. Ce qu'on veut savoir, c'est où sont passés les cartons et ils n'arrivent pas à lui dire. Nous appelons donc l'entrepôt où sont amenés les meubles. Quand on vient les chercher chez vous, avant qu'ils partent pour votre destination finale, ils sont stockés le temps que le camion soit rempli. Nous appelons donc cet entrepôt, l'entrepôt. Dès qu'on dit entrepôt, on s'imagine tout de suite des choses. Mais vous allez voir que nous allons, je suis sûr, tomber sur quelqu'un de très sympathique. Merci. Allô ? Oui, oui, bonjour, je suis à l'entrepôt de Goussainville. Monsieur, dites-moi, vous êtes qui et qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je vous explique, je suis la radio RTL, je suis avec une dame qui a déménagé et ses meubles ont été stockés chez vous. Et apparemment, il y a 3 cartons qui ont été perdus, cette dame... Mais c'est qui, avant tout, c'est qui vous a donné mon numéro de portable? Ah ben c'est Christiane, Christiane, expliquez-lui, Christiane. Oui, bonjour madame, je suis madame Loret. Attendez, ne quittez pas s'il vous plaît. Oui, alors cette dame, elle va chercher quelqu'un, donc c'est une dame qui... Comment vous avez eu son numéro d'ailleurs, Christiane ? Eh bien, c'est la secrétaire de la société de déménagement à Paris qui me l'avait communiqué. Ils ont raccroché, je veux dire. Ils ont raccroché, rappelons une deuxième fois, c'est peut-être une erreur. Donc c'est quand même embêtant quand même quand vous appelez quelqu'un dans le métier d'entreposer les meubles qui vous dit « Comment vous avez eu le numéro ?» Allô, les renseignements ? Allô ? Oui, c'est les renseignements. Comment vous avez eu mon numéro, monsieur ? Oh, je l'ai tellement appelé de fois. Je me doute, maintenant ils ne vont plus répondre. Hein. Mais voilà, pour la bonne forme, on va appeler maintenant l'entreprise de déménagement. Mais c'est pour essayer de voir un petit peu le contexte. Là, ça va être une messagerie, vous allez voir. Désolé, voilà. Mais la messagerie vocale Orange de 06. Donc cet entrepôt est à Goussainville, c'est là où sont entreposés les meubles, on l'a dit, où ont été perdus les cartons. Nous appelons maintenant c'est donc ça, il y a le 4 cartons. D'accord, le déménageur, si vous le voulez bien, rapidement madame Tatley. Oui, c'était important de les avoir parce que ce sont eux qui font les recherches, il n'y a qu'eux qui soient capables de pouvoir retrouver ces objets perdus. Donc c'était important de pouvoir les joindre. Le seul interlocuteur reste quand même le déménageur Tout que nous appelons maintenant. Et que nous connaissons, Hervé Pouchol les connaît, il a déjà traité un dossier Bonjour, avec eux. Alain Gage, société déménagée sans stress. Veuillez me laisser. On a plein de numéros, hein, donc on ne s'affole pas. Donc là, c'est monsieur Gage, et nous allons essayer un deuxième numéro, celui du directeur commercial maintenant, puisque nous faisons absolument les mêmes numéros que vous. C'est le même chemin de croix, et quelqu'un qui fait partie de la famille, puisqu'il porte le même nom. Donc ça serait une incroyable coïncidence. C'est son frère. Ah, c'est son frère. pas. Moi, je connais que le directeur général, Alain Gage, qui avait été très sympa. Donc, deuxième numéro. Ne vous inquiétez pas, Christiane, on va appeler toute la matinée. Oh, monsieur Alain Gage, il est injoignable, ce monsieur. On me dit qu'il est souvent hors de France. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de... Deuxième tentative, nous avons appelé le directeur, il n'y a personne, nous avons appelé le directeur commercial, on appelle une agence, maintenant... Je ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Ça, c'est qui, ça ? Pour désactiver la restriction de la présentation de votre... C'est le fixe, Julien, on peut l'essayer sur... Attendez, le fixe n'accepte pas les appels anonymes ? Non. Ah ben ça, c'est une grande nouveauté. Pourquoi un fixe n'accepterait pas les... Parce que là, c'est un numéro commercial. C'est pas qu'un particulier refuse les numéros anonymes, mais une agence, c'est quand même bizarre. Mais pourquoi pas, après tout. Chacun a le droit d'avoir sa petite lubie. Allez, on appelle l'agence dans le 15e. Qu'est-ce que ça donne, l'agence dans le 15e? Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. C'est le 4e numéro que nous faisons déjà maintenant. Allô? Personne ne répond? On a lancé le numéro, Julien, c'est un fixe. D'accord. Alors, on y va, alors, c'est parti. Oui, Julien, moi, c'est l'agence de Paris. Ah ben, c'est encore... Oui, c'est celui-là qu'on est en train de faire. Le 15e. Le 15e, c'est dans... Dans le 20e. Ah, vous, c'est dans le 20e. C'est là où j'étais tombé sur une stagiaire qui démarrait quand j'ai débarqué chez eux, dans le 20e. Là, nous appelons... C'est le 15e, là, que nous faisons. Ouais. On est bien d'accord, hein. Donc, on appelle l'agence du... J'espère que quelqu'un va nous répondre. C'est quand même incroyable que cette société... Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Auriez-vous l'amabilité de nous rappeler au numéro que l'on vous laisse maintenant? S'il vous plaît, laissez le numéro. Donc je récapitule, nous avons appelé déménager sans stress. Ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas puisque on ne parle à personne. Nous avons cherché à joindre monsieur Alain Gage. Monsieur Alain Gage, pour l'instant, n'est pas disponible et c'est son droit, il est en train de travailler. Nous avons appelé le directeur commercial, Charles Gage. Il ne répond pas et c'est normal, c'est son droit, il est peut-être en train de travailler. Nous avons appelé l'entrepôt. Une dame nous a dit « Comment avez-vous eu mon numéro ?» avant de raccrocher. C'est l'entrepôt où sont stockés les meubles qui est à Goussainville. Maintenant, reste l'assurance de la société, mais on ne sait même pas si elle a fait une déclaration en fait aujourd'hui. On espère parce qu'il y a eu quand même des échanges de mails et en tout cas, notre amie, elle s'est rapprochée aussi de l'assurance. Il y avait été donné une attestation d'assurance au moment de la signature du contrat. Allez, nous allons nous retrouver dans une seconde. Nous continuons ce dossier, nous lançons un deuxième dossier, un dossier inondation à 9h48 sur RTL, la radio qui aide ses auditeurs. Chaque matin entre 9h30 et 11h, nous faisons tout pour vous aider et nous vous faisons des cadeaux car l'euro va commencer, c'est vendredi soir. 32-10, touche numéro 2, puis ensuite touche numéro 1 ou SMS RTL au 74-900, 165 cm de télé. A tout de suite sur RTL pour la suite des dossiers. Chez Renault. Bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Captur dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Confo Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, voire conditions sur conforama.fr. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, bah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95€ seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Il fait beau et chaud, mais vos jambes vous pèsent? Pourquoi souffrir quand il existe une solution pour être bien? Moi, j'ai choisi Gincorfort, un médicament qui apaise les douleurs des jambes lourdes et tonifie les veines. Gincorfort, mon bien-être passe aussi par mes jambes. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Ciel, mon mari, vite, cache-toi dans ce placard. Derrière mes nouvelles portes pliantes, KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris. En plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur KZ.fr. KZ, les placards de K à Z. Salut les Français! Vous rêvez de grands espaces, de paysages à couper le souffle? Direction le Canada! Que vous habitiez Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon ou Mulhouse, profitez des vols directs proposés par Air Transat à partir de 399€ TTC aller-retour. À vous les baleines, les villes festives, la douceur de vivre 100% canadienne. Offre soumise à conditions, réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Hervé Pouchol, une alerte sur le cas déménagement. Qui avez-vous pu avoir en ligne? Le directeur général de Déménager sans stress qui m'avait reçu à deux reprises. Il est en ligne, Julien. Bonjour Monsieur Guedes, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour monsieur. Monsieur Guedes, je vous appelle. Je crois qu'Hervé Pouchol vous a peut-être parlé de Christiane Lauré qui a pris un déménagement groupé. Ses meubles sont partis donc dans l'entrepôt où sont stockés les meubles à Goussainville, que nous avons appelé là tout à l'heure, mais ils nous ont raccrochés. Trois colis ont été perdus et elle a envoyé je ne sais combien de lettres recommandées. Une association aurait envoyé aussi des lettres recommandées et elle n'a absolument aucune réponse. Alors c'est pour ça qu'on se tourne vers vous. Bon, d'accord. Il faudrait que je regarde, en fait, il faudrait que je prenne ces coordonnées, il faudrait que je vois est-ce qu'il y a eu un dossier d'assurance d'ouvert, il faudrait que je regarde dans le cadre de meubles à Goussainville ce qui se passe. Où est-ce que sont ces trois ou quatre cartons à Surtout, il faudrait que quelqu'un chez vous, monsieur, réponde au courrier, à mon avis. Ça serait déjà pas mal. Maître Félonneau. Oui, surtout, bonjour monsieur. Ça remonte à septembre 2015. On est, vous savez, bon, pas très loin de la prescription d'un an. Et la Matmut, puisque c'est la protection juridique de votre cliente, est sur le point d'assigner. Elle vous l'a fait valoir par courrier recommandé. Il y a eu, je ne sais pas, 4, 5, 6 lettres recommandées hein, déjà. Donc, ce serait bien d'accélérer un peu le mouvement maintenant, parce que sinon, on va se retrouver au tribunal peut-être pour rien. Alors, Christiane, qui avez-vous eu au téléphone pour que ce monsieur puisse bien compléter son dossier? Alors, j'ai eu la secrétaire de Monsieur Guedes, qui se trouve donc à l'agence de Paris dans le 20e, rue de Pixérécourt. Et j'ai eu à de nombreuses reprises et des échanges de mails avec Madame, je ne sais pas si je peux dire son nom. Ben, si elle travaille là-bas, il n'y a pas de honte, oui. Oui, Madame Lana Haddad, donc qui s'occupe des litiges. Alors cette dame m'a souvent menée en bateau en me disant qu'elle faisait le nécessaire. D'ailleurs, lors d'un échange de mails, elle m'a bien indiqué qu'elle allait faire une déclaration à sa compagnie d'assurance et que pour cela, il fallait que je lui envoie des factures. Alors Monsieur Guedes, voilà. Quelqu'un, excusez-moi de vous couper, mais c'est pour laisser Monsieur Guedes qu'il ait le temps d'aller voir le dossier, qu'on puisse finir l'émission. Vous regardez Monsieur Guedes, puisque tout le monde est au courant chez vous. Je vais regarder, et puis je reviens vers vous. Enfin, on se reparle tout à l'heure. Allez, ça marche. Hervé, vous reprenez l'appel. Merci Monsieur Guedes d'être disponible pour nous. Hervé reprend l'appel. Voilà, on a bon espoir pour Christiane. On parlera après Monsieur Guedes peut-être d'un deuxième cas que nous avions. Et puis le cas Solidarité arrive. Voici maintenant sur l'antenne d'RTL, Charlie Puth. Non. Pas du tout. Oh là là, tout le monde s'est fait avoir. C'est Boulevard des Heures, bien sûr, je le savais. Si tu connaissais pas encore notre aventure, Audrey Delor. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici,

I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Vous êtes sur RTL, il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Olivia Leray. Bonjour Olivia. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le cardinal Philippe Barbarin, entendu en ce moment par la police lyonnaise. Il est accusé de ne pas avoir dénoncé plusieurs agressions pédophiles. Cela concerne deux prêtres de son diocèse, notamment le père Prénat, soupçonné d'agressions sexuelles sur des jeunes scouts entre 1986 et 1991. L'archevêque Barbarin est entendu sous le régime de l'audition libre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de placement en garde à vue. À l'appel de la CGT et de Sudrail, la grève à la SNCF est reconduite aujourd'hui. Elle concerne toujours le temps de travail des cheminots. Néanmoins, le trafic est moins perturbé. Comptez 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10, 1 Transilien sur 2 et 1 Intercité sur 2. En ce qui concerne les blocages contre la loi travail dans les centres de tri des déchets, les blocages sont reconduits à Ivry, à Fos-sur-Mer et en Ariège. Attention aux orages dans le Nord-Est. 18 départements sont placés en vigilance orange. Cela va des Ardennes au Jura et de Lyon au Bas-Rhin, avec un risque de grêle, des rafales et d'importantes précipitations en peu de temps. La vigilance orange crue est maintenue sur les départements de l'Essonne, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Hier, un septuagénaire est mort noyé dans sa voiture. L'homme s'est engagé sur une portion de nationale inondée. Il a été surpris par la montée des eaux à hauteur de Mondicourt. Et puis à Paris, bonne nouvelle pour les amateurs d'art. Les musées du Louvre et d'Orsay rouvrent leurs portes ce matin. Ils étaient fermés depuis la fin de la semaine dernière à cause de la crue de la Seine. Aux États-Unis, pour la première fois, une femme est candidate à la Maison-Blanche. Hillary Clinton remporte la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre prochain. Grâce à vous, nous avons atteint un tournant historique, a-t-elle dit à ses partisans réunis à Brooklyn, dans la ville de New York. Bonne nouvelle pour les fans du Red Star, ce club historique de Seine-Saint-Denis. Vous n'aurez plus besoin d'aller jusqu'à Beauvais pour soutenir votre club. Le pensionnaire du championnat de Ligue 2 de football jouera au stade Jean Bouin la saison prochaine. Le fief historique du Stade français en rugby. La bourse de Paris ouvre en baisse de 0,33% à 4461 points. Les courses ont lieu à Laval. Les pronostics de Bernard Glass. Il vous conseille le 18, le 14, le 2, le 3, le 7, le 6, le 4, le 17, dernière minute, le 2, Amiral d'Ubisson. Côté ciel, le quart nord-est est donc sous des orages violents, mais des averses sont aussi à prévoir en Rhône-Alpes-Auvergne, jusqu'au Languedoc et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un temps plus calme avec du soleil au programme sur les Hauts-de-France, la Bretagne, la façade atlantique et le centre, la Corse. Les températures grimpent, 13 degrés à Dieppe, 16 à Lille, 18 à Brest, 20 degrés à Strasbourg, 22 à Paris et 28 si vous êtes à Montpellier. Vous êtes sur RTL, il est 10h03. Tout de suite, eh bien, ça peut vous arriver avec vous, Julien Courbet. Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Ce matin, je vous le rappelle, comme tous les matins, nous négocions pour vous. Les négociations ont lieu en direct et nous vivons ce que vous vivez. Nous faisons tous les numéros. Gros cas déménagement en suspens pour l'instant, puisqu'après avoir remonté toute la chaîne des appels téléphoniques, nous avons fini par le directeur qui nous a dit « Laissez-moi jusqu'à 11h, je vais essayer de trouver une solution. Des colis ont été perdus. » Et elle a eu beau envoyer des lettres recommandées, passer par des associations de consommateurs, aucune réponse à ses courriers. Nous avons eu le directeur et nous sommes assez confiants. Donc, Hervé. 30 minutes, il va nous rappeler, monsieur. C'est ce qu'il a dit. On en profitera pour lui dire que ce monsieur, nous l'avions déjà eu au téléphone pour une histoire de téléviseur qui avait disparu. Écoutez bien, dans un ascenseur. C'est-à-dire que la dame, lors de son déménagement avec cette entreprise, voit le téléviseur partir. Elle le suit des yeux, elle ne le lâche pas. Elle voit le déménageur le mettre dans l'ascenseur. L'ascenseur se referme et arrivé au rez-de-chaussée, lorsque l'ascenseur s'ouvre, il n'y a plus rien. Et là, il y a un déménageur qui sort et qui fait hey! Car il a fait un numéro extraordinaire, il a réussi à faire démarrer, de disparaître un téléviseur en 3 étages. Alors, le téléviseur visiblement a été remboursé, mais il y avait d'autres objets qui avaient peut-être un peu disparu. Par le patron lui-même, pas par son assurance. Par le patron, l'assurance, elle n'a rien voulu faire du côté de chez Marche, donc nous relancerons tout ceci. Maintenant, je vais accueillir tout de suite Jean Berthaud, qui est le maire de Dordive, c'est dans le département du Loiret. Monsieur Berthaud, bonjour. Bonjour. Monsieur Berthaud, je vous ai vu hier soir à la télé alors que j'étais couché. Et au moment de m'endormir, car je suis en couche-tôt, j'ai entendu votre appel et j'ai dit tout de suite, il faut aider ce monsieur. Vous avez été touché dans votre ville de Dordive par les inondations. Vous vous battez en tant que maire pour essayer de reloger tous ceux qui ne peuvent plus être logés chez vous. Et je vous ai entendu dire, j'ai besoin de caravanes, j'ai besoin de mobil-homme, je vais essayer d'aménager un terrain pour pouvoir reloger tout ce petit monde. Est-ce que je me trompe ? Non, monsieur Corbet, non. Alors, dites-nous exactement combien de personnes sont concernées, de quoi avez-vous besoin ? Alors, nous avons besoin de caravanes, de mobil-hommes, d'Algeco accueillant des familles. Celle-ci étant coincée pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, compte tenu des travaux qu'il y a à faire dans leur maison. Nous aurons en gros une vingtaine de familles à loger. D'accord. Nous montons actuellement une plateforme sous 10 jours avec les entreprises locales. Tout sera bien aménagé, ce ne sera pas un camp de réfugiés, ce sera vraiment un petit village. Très bien. Donc vous avez besoin de personnes qui prêtent des caravanes, ne serait-ce que quelques mois ? Évidemment. Parce que, bon, nous sommes une petite commune, on n'a pas non plus les moyens. Combien avez-vous d'habitants, monsieur Berthaud ? Nous avons 3300 habitants, d'accord, mais nous travaillons aussi avec le territoire, c'est-à-dire les petites communes qui sont voisines de la nôtre. C'est-à-dire qu'on a, en capacité, on a 120 familles à gérer. Et on commence à avoir maintenant des maisons, des gîtes, etc. Mais il va nous en rester sur le dos. Et rappelons, monsieur Berthaud, parce qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, quand on n'est pas sur le terrain, qu'il y a quand même des drames humains. Quand vous vous retrouvez avec deux enfants en bas âge, que vous n'avez plus de maison, vous vous rendez compte que c'est la catastrophe. Il faut quand même quatre murs, un toit pour pouvoir faire vivre tout ça. Ben évidemment, bon, nous on a mis depuis le début, on a mis donc une série d'activités. Hein. On a créé une MAM, c'est-à-dire on accueille des enfants avec des assistantes maternelles, on travaille à l'école, on loge des personnes chez des hébergeants actuellement, on fait manger des gens à la cantine scolaire, enfin bon voilà, on s'organise, hein, comme alors, toutes les communes. Hein. Bon voilà, on n'est pas spécial. Hein, Non, je sais bien, monsieur Berthaud, mais et d'ailleurs on ne peut pas, on a décidé de vous aider, vous, ça aurait pu être d'autres personnes, j'ai bien sûr, donc, bien monsieur Berthaud, je rappelle que vous êtes à Dordive. Dordive, c'est le département du Loiret. Donc, si vous êtes dans la région. À la frontière de la Seine-et-Marne, à la frontière de la commune aussi de Soupe, nous accueillons aussi d'ailleurs les habitants de Soupe. D'accord. Nos voisins. Donc, ce qu'il faut, c'est si dans cette région, parce que c'est très compliqué si vous êtes en Corse, effectivement, pour nous prêter une caravane, même si vous êtes plein de volonté, ça sera beaucoup plus compliqué de la faire venir. Donc, si vous êtes dans cette région-là, vous avez une caravane que vous pouvez prêter, je dis bien prêter, quelque temps, un mobil-homme. Il faut peut-être des vêtements aussi, monsieur Berthaud. Ah non, nous avons tout cela. Par contre, ce qu'il nous faut aussi, c'est du matériel pour les petites entreprises. Les petites entreprises, c'est-à-dire mécanique générale, BTP, etc., des gens qui étaient en auto-entrepreneur, etc., alors qu'il va y avoir du boulot, puisque évidemment, il faut construire, il faut quand même aider aussi ces entreprises. Bien donc, sûr. Voilà, alors, si, je pense aux mastodontes, les points P, les bricodépôts, etc., ils peuvent prêter du petit matériel. Mais donnez-moi juste un exemple de matériel. Genre, c'est quoi, du ciment Par exemple, vous avez une petite entreprise qui a perdu son camion, des outillages, par exemple, je ne sais pas moi, un mécanicien, tous ces outillages sont. D'accord, compris. Les petits outils pour pouvoir travailler au quotidien. Voilà, les petits outils, peut-être une bétonnière, peut-être. Bon, voilà, on n'a pas compris. Fait de listing encore. Hein, ça marche. À mon numéro ou à la mairie de Dordive, il n'y a pas de problème, on reçoit toutes les demandes. On va le mettre sur Facebook, le numéro de Dordive, peut-être le redonner tout à l'heure. Je compte sur les auditeurs d'RTL pour aider tous ces habitants et aider à faire ce... le Facebook, ça marche bien. Notre Facebook de la ville. Alors, Facebook de la ville. Oui, enfin, il ne faut pas taper Facebook de la ville. Facebook, Dordive, comment il s'appelle ? C'est Dordive. Donc bon, le Facebook de Dordive, Dordives. Oui, monsieur. Allez, ça marche, monsieur le maire. On se tient au courant si on a des appels au 3210. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Et bon courage à tout le monde là-bas, d'Ordive. De votre maternité. Je vous en prie. Dans une seconde, nous allons attaquer un autre cas. Ce sera le cas de Thérèse. On prend des assurances pour être à l'abri en cas d'accident. J'ai eu un accident et depuis, c'est la croix et la bannière pour me faire indemniser. Thérèse et Pouzix, dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ?

matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. Concert très très très très bon concert donné à Paris il y a quelques temps. Thérèse est en ligne avec nous. Thérèse, bonjour. Bonjour Julien. Bienvenue sur RTL, Thérèse. Thérèse. Oh, merci de m'entendre. Oh, bah écoutez, moi je suis ravi. Vous êtes à La Ciotat en plus. Oui. Il fait beau. Moi j'ose pas vous le dire. Allez-y, faites-nous rêver, Thérèse. Maintenant il vous savez. Faire 28. Oh là là. Quand on a 28 degrés, on n'a pas de problème, hein? Presque. Eh bien, vous savez quoi? Gardez votre problème et allez bronzer. Voilà. Voilà comment je parle aux gens maintenant. Mais non, ma Thérèse. Tant mieux. Et ceci étant dit, il n'a pas fait 28 ces derniers temps à La Ciotat tous les jours. Non, il y a eu beaucoup de vent pendant 2 mois. C'était insupportable. Thérèse, parlons de ce contrat vous assurant une indemnisation en cas d'un éventuel accident que vous avez en novembre 2015. Le 20 janvier, en vacances à la montagne, vous tombez, vous vous faites une fracture de l'épaule droite sous la forme d'une fracture du trochin, du trochité ou du trochitère ? Du trochitère. Du trochité. Vous rendez compte, elle s'est fait une fracture du trochin, du trochitère. Je me vois très bien arriver aux urgences. Pardon madame, je suis désolé de vous déranger. J'ai comme l'impression que j'ai le trochin du trochitère qui s'est cassé. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit faire mal en tout cas, avec un nom pareil. Donc vous avez appelé votre assurance toutes les semaines durant 2 mois. Elle vous répond enfin en vous disant qu'il ne sera pas possible de vous indemniser, ou en tout cas que 375 euros, alors que ça vous a coûté combien ? Plus de 1000 euros. Vous finissez par recevoir ce chèque. Il est à l'ordre du nom de votre nom de femme mariée. Or, vous avez divorcé. Vous ne pouvez donc pas l'encaisser. Vous envoyez un recommandé pour le signaler à l'assurance et pour lui rappeler que selon le contrat, l'indemnisation doit s'élever à 1000 euros. Et aujourd'hui, où en êtes-vous ? Toujours rien. Rien. Eh bien, nous intervenons. L'objectif est simple. Obtenir 1000 euros pour le rochin du rochitaire. Maître Fellono nous en dira plus dans une seconde et nous allons démarrer le combat contre l'assurance. Vous êtes sur RTL, la radio qui se bat pour vous chaque matin et qui négocie. Merci d'être là. L'appel arrive. Tu peux venir, s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Simon ? Ah, c'est qui, Simon ? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. Soche présente. Eh, hey, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez. Ben, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Ciel, mon mari, vite, cache-toi dans ce placard, derrière mes nouvelles portes pliantes KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris, en plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur KZ.fr. KZ, les placards de K à Z. Quelle est votre voiture idéale ? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul, ou plutôt deux, c'est plus sûr. Trois ? Ça, c'est trop, 3. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris Dynamique suréquipée est à partir de 139€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Dynamique 5 portes, 69 VVTi en location longue durée, 37 mois, 45 000 km, premier loyer 1750€. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voir toyota.fr. Electro Dépôt. Se faire plaisir avec un barbecue de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro Dépôt, le barbecue électrique Aïwan garanti 2 ans, échange à neuf, est à 15,98€. Oui, 15,98€. Electro Dépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. Electro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. 194€ par mois, offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que La Seat Leon référence à partir de 194€ par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2 700€ suivi de 36 loyers de 194€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Maître Felloneau, concernant Thérèse, vous avez vu le contrat. Elle s'est cassée l'épaule et apparemment on lui dit bien, on va vous donner 375€ et d'après Thérèse, sur son contrat, on doit lui donner 1000€, ce qui fait une sacrée différence. Alors, d'abord, on doit lui rembourser un peu plus de frais médicaux et puis surtout, moi je lis dans les conditions particulières, indemnité forfaitaire en cas de blessure de 2000 à 4000€. Si, et même lorsque l'accident entraîne plusieurs blessures. Elle est tombée, elle s'est cassée l'épaule en fait. Donc moi je ne vois pas pourquoi on lui propose que 375€. Qui plus est, un chèque qu'elle ne peut pas encaisser. C'est pour vous Bernard Sabat. Vous appelez maintenant l'assurance, énorme groupe que nous appelons maintenant, qui se trouve pas très loin d'ici, dans le 9e, le quartier des assurances. Vous savez, à Paris, c'est comme les grandes métropoles. Souvent, les corps de métier se regroupent par quartier. Et le 9e, c'est le quartier des assurances, Maître Felloneau. Oui, c'est vrai. Voilà. Votre appel concerne la santé, dites santé. S'il s'agit de prévoyance ou d'épargne, dites prévoyance. Enfin, dites retraite pour toute demande concernant votre retraite complémentaire. Santé, Julien, on va faire. Santé ! Santé ! Santé. Pardon, je ne vous ai pas compris. Santé. Dites. Votre appel concerne la santé. Ah. Vous êtes un particulier ? Composez le 1. Vous êtes une entreprise cliente. Ah non, il faut le composer, titulaire pardon. D'un contrat collectif. Pardon, je suis désolé. Vous pouvez exprimer simplement le motif de votre appel. Par exemple, je souhaite échanger sur mon contrat dépendance. C'est à vous. Je veux être remboursé. Très bien. Pour quelle raison souhaitez-vous joindre un conseiller ? Je vous écoute. Je viens de te le dire, je veux être remboursé. Oui, toi aussi, bonne journée. Non, mais sans blague. Vous avez vu comme ils sont... Dès qu'ils parlent des questions de remboursement, il n'y a plus de formule de politesse. De notre qualité de service. Je crois que même les robots reconnaissent votre voix, Julien. Le robot, oui. En fait, il a raison, Bernard. Ça va, ça serait drôle, ça, que les robots qui répondent fassent... Oh merde, c'est Julien Courbet. Raccroché. Qu'il reconnaisse ses reconnaissances vocales. Votre temps d'attente estimé. À combien ? Actuellement de 2 à 5 minutes. 2 à 5 minutes, on va se retrouver dans une seconde. D'attente. Allez, on fait un petit point info très rapide, mesdames et messieurs, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Christiane, on lui perd... Restez là, Maître Felloneau, j'ai besoin de vous pour un petit conseil. Christiane, on lui perd des cartons et elle en a ras-le-bol. Attention, elle est passée par un déménagement groupé. C'est ces déménagements où l'on vient chez vous, on prend les cartons, on va les poser dans un entrepôt et on attend qu'un camion soit plein pour les ramener chez vous. Non seulement il y avait du retard, mais en plus, il y a de la perte de cartons. Elle a appelé, envoyé des courriers recommandés, personne ne lui a répondu, mais Hervé Pouchol a réussi à voir le patron. Et le patron vient de me rappeler sur mon portable. Et, vous allez et dans quelques instants, vous aurez du nouveau parce qu'il va vous annoncer quelque chose. Bon. Eh oui. Et mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Je rappelle que vous avez 10 jours à compter du déménagement que vous avez reçu de la réception de vos meubles. Pour faire votre lettre recommandée avec accusé de réception, si vous avez une réclamation à faire, n'oubliez pas de la chiffrer parce qu'une réclamation sans chiffre ne vaut rien du tout. Et vous avez ensuite un délai très important qui est un an à compter de cette même réception pour saisir le tribunal. Si vous ne le faites pas, vous perdez tous vos droits, vous ne pouvez plus rien réclamer. Le maire de Dordive nous a appelé. Dordive a été touché par les inondations. Il est obligé de recréer un petit village sur un terrain, mais il veut que les choses soient bien faites pour des familles avec enfants. Il a besoin de caravanes, il a besoin de mobil-home, de petits matériels pour que les employés, les artisans puissent se remettre à travailler. Sarah ?

Voilà, donc là, on est quand même au statu quo. Moi, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler non plus, vous passer un responsable. Donc, je vais vous faire patienter. Mais il va se passer quoi si, de toute façon, elle ne peut pas me passer un responsable et si elle-même ne peut pas me parler? Je pense qu'elle va aller chercher l'information pour savoir quoi nous dire. Thérèse, vous restez là. Nous essayons d'avoir Malakoff Médéric. Peut-être tenter un deuxième numéro en parallèle si jamais ça traîne un peu avec Malakoff Médéric. Mais là, il y a une deuxième alerte. Ouais. Et cette deuxième alerte, c'est sur le déménagement, Hervé Pouchol. Absolument. Alors, je rappelle juste très rapidement que Christiane passe par une entreprise de déménagement. Beaucoup de choses vont l'étonner. D'abord, bon, le petit camion qui vient, peu importe, ils y ont perdu 4 cartons fragiles et personne ne sait où sont les cartons. Eh bien, écoutez, Alain Gage a tenu parole. Je vous l'avais dit que c'était un garçon sympathique et ouvert, parce que j'avais été 2 fois au siège de son entreprise. Il est en ligne, il a quelque chose à vous annoncer, Julien. Je vous écoute, monsieur. Nous sommes en direct sur RTL. Alors, rebonjour donc Alain Gage à l'appareil. Entreprise déménager centrale, donc le directeur. On fait 20 déménagements par jour. Je fais amende honorable parce que je viens d'avoir l'assurance en 25 minutes au téléphone. Je fais amende honorable. Il y a eu un couac. Très sincèrement, il y a eu un couac. Malheureusement, on est sur toute la France. Alors, des fois, ça arrive qu'il y ait un couac. Je vois avec madame, j'ai vu qu'il y avait avec l'assurance, donc ils se sont mis en rapport avec la Matmut. Il y a eu un petit dysfonctionnement aussi par rapport aux lettres de voiture, etc. Enfin, des petites choses où elle a oublié peut-être éventuellement. Mais bon, elle a une dizaine de jours de toutes les manières pour faire le truc. Moi, ce que je peux faire sur ce qu'elle me demande, si vous voulez là tout de suite, là maintenant, c'est lui verser 500 euros là tout de suite par rapport à ce qu'elle demande. Voilà. Et ensuite, pendant 2 mois, lui verser le reste dû en attendant que l'assurance me rembourse à moi. Enfin, je rembourse. Est-ce que ça pourrait vous convenir, ça, Christiane ? Eh bien, écoutez, oui, enfin, c'est un petit peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. D'autant plus que moi, je m'étais quand même mis en rapport avec donc l'assurance marche. Christiane, je vais vous couper, Christiane, car encore une fois, je ne suis pas un tribunal, Christiane, je ne suis pas un juge. Si vous voulez tout de suite, vous prenez un avocat, vous allez devant un tribunal et vous assignez ce monsieur. Moi, je suis là pour essayer de faire en sorte que les gens se parlent. Je demande à ce monsieur, je lui fais une proposition. Il nous dit, je vais payer 500, puis 500 tous les mois. Si vous me dites, je n'y crois pas, Christiane, on raccroche et puis vous faites ce que vous voulez. Soit vous acceptez et vous dites, on verra. Et s'il ne vous paie pas, croyez-moi, on le rappellera en lui disant, monsieur, vous avez promis quelque chose que vous n'avez pas tenu. Voilà, mais sinon... Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter, par contre, Christiane. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Si, parce qu'il faut en terminer. Bon. Nous sommes à 2 mois pratiquement. D'accord. De la fin, donc effectivement... Allez, on va faire comme ça, et alors j'en profite pour dire à ce monsieur, vous avez énormément de déménagements, vous êtes des gens qui travaillaient beaucoup, c'est bien, mais nous avions eu Francine Benzouzou, vous vous rappelez que c'était le téléviseur qui avait disparu? Voilà. Qui avait disparu au 3e étage, en 2e, 3e, et le rez-de-chaussée, je m'en souviens. Alors justement... Je lui avais fait une indemnité, et j'avais été prendre des photos la semaine d'après, ou une dizaine de jours d'après... J'ai transmis les photos à mon assureur et mon assureur, bien évidemment, on est en attente à ce niveau-là d'une indemnité supplémentaire. Alors, par rapport aux photos prises. C'est là où, monsieur, il faut que votre assureur, il apprenne à travailler un peu plus vite parce que eux, ils viennent, ils vous paient directement. C'était le 4 janvier quand même. Là, on va attaquer les 6 mois, là. Alors, on est bien d'accord, mais je pense que je vais changer d'assurance. Non, mais honnêtement, parce que moi, je veux bien, vous travaillez avec Marche, mais si Marche met 1 an à rembourser vos clients, vous allez perdre des clients. Elle est en ligne d'ailleurs, Francine. Francine, vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne. Francine, on rappelle que le téléviseur avait disparu lors du voyage mystérieux dans l'ascenseur, mais qu'il a été remboursé par ce monsieur qui a tenu sa parole. Voilà, il est venu, il a payé le téléviseur. Ça, je tiens à ce que ça soit dit sur l'antenne d'RTL. Oui. Maintenant, pour le reste, c'est vrai que l'assurance, elle traîne un peu. Donc, ceci dit, ça traîne beaucoup parce que moi, j'ai déménagé en juin 2015. Hein. Oui, ah d'accord. Ah, c'est en juin 2015, ok. Eh oui. Bon, alors monsieur, je compte vraiment sur vous, monsieur, de déménager sans stress pour voir avec votre assurance, quitte à en choisir une autre, mais pour que cette dame s'avance. Maître Félonneau. Oui, surtout monsieur, moi ce qui m'inquiète c'est la prescription anale. Est-ce que votre assureur a au moins envoyé une lettre disant qu'il avait bien reçu la réclamation, qu'il fait une contre-proposition de façon à ce que la prescription soit interrompue? Parce que c'est ça l'ennui de toutes ces attentes. On fait un point avec vous. Bah écoutez, je ferai un point avec mon assureur et je reviendrai vers vous. Ça marche.

Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. Sachez qu'en ce moment, la clé USB Twister 16 Go est à seulement 4,79€ TTC. Et avec les clés Twister, ça va twister. Hein? Ah bah oui, c'est bientôt les fêtes de la musique. Oh là là. Yeah. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Attention alerte. Attention alerte. Attention alerte. Bon, c'est bon, on a compris. Alors, il se passe quoi exactement? Sur quel dossier? Madame, ne coupez pas. Julien, j'étais donc avec Malakoff Médéric pour Thérèse, vous savez. Son problème d'assurance et de règlement qu'elle attend. On m'a dit qu'elle n'était pas assurée chez eux dans le cadre de la santé, mais dans le cadre du sinistre. Donc, on m'a passé Oxia. Et là, on a Oxia qui est en ligne. Vous d'accord. pouvez leur parler. D'accord, merci. Allô? Allô, bonjour. Madame, ne coupez pas. Allô? Bonjour, madame. Allô? Oui, madame, vous êtes, je suis bien chez Oxia? Oui, vous êtes chez Oxia. Alors, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Je suis ravi de vous parler. Je suis avec une de vos clientes, Thérèse Argelis-Ciarino, qui a eu un accident. On lui propose 375 euros pour sa fracture de l'épaule, alors que le contrat stipule bien que ça va jusqu'à 1000 euros. Et elle essaie de se faire valoir ses droits et elle n'y arrive pas. Alors, on essaie de l'aider. Est-ce que je pourrais avoir un interlocuteur, s'il vous plaît, madame? Donc moi je suis la responsable du service client. D'accord. Et je vais vous mettre en attente à l'instant pour voir comment on peut procéder pour vous donner une réponse surtout. Donc je vous mets en attente. D'accord, merci madame, sans problème. Sans problème, d'accord. J'attends. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai qu'il y avait sur la ligne téléphonique, ça faisait un petit peu Nicolas Huneau. Eh bien, attendons, ça se passe bien, Bernard. Dès que vous avez quelqu'un, vous me faites une seule alerte. Pas ah, six. Bah, non, pas six. À la première, on comprend. Voilà, comme ça, ça suffira. Et les amis, le 27 juillet, si vous êtes dans le sud, ça sera l'avant-dernière. Avant-dernière du One Man Show. Le 27 juillet, dans un théâtre en plein air, et ça, j'adore, je jouerai à Plan de la Tour. C'est dans le sud, c'est à Plan de la Tour. Vous connaissez bien Hervé Pouchol, c'est chez vous là-bas. Ouais, c'est dans le département du Var. Dans c'est... le Var, 21h30 au Théâtre aux Étoiles en plein air. Ah ouais, sous le ciel étoilé, je vais te faire marrer. En tout cas, venez-y, 27 juillet, 21h30, au Théâtre aux Étoiles, à l'espace Trevet, à Plan de la Tour, Maître Félonneau. Mais venez. Un bon plan, Ça sera un bon plan de la Tour. Oui, je ne sais pas si vous verrez si la Tour. Vous avez d'autres plans comme ça. Mais vous aurez le plan. Venez avec plusieurs chemises, hein, parce que ouais, la dernière fois. Camping, oui, là-bas. Les gens pensaient que je m'étais fait pipi dessus parce que je transpirais tellement quand j'ai fait. Non. Et il faisait 47 sur scène. Et à un moment donné, j'ai eu peur de faire un malaise cardiaque, je vous assure. Ben oui, il faisait 47 avec la chaleur des projecteurs et donc la transpiration a pris toute la chemise qui était trempée et a commencé à couler dans le pantalon. Ah. Et ça m'a fait une énorme auréole autour des parties génitales. Ce qui fait que les gens regardaient et j'ai des gens qui m'ont dit on pensait que tu te sentais mal, que tu commençais à te faire pipi dessus. J'ai dit non, quand même, j'en suis pas là. Ça viendra peut-être un jour, mais j'en suis pas là. En tout cas, Plan de la Tour, je suis ravi. 27 juillet, ciel étoilé, 21h30. Et là, maintenant, de l'amour. De l'amour et puis un point info qui suivra. Vous faites très vite hein, pour le super téléviseur de 165 cm. Il ne vous reste que quelques minutes. 32-10, touche numéro 2, puis touche numéro 1. RTL par SMS au 74-900. Voici le grand Alain Souchon sur RTL. Oh là là, la vie en rose. Le rose. D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous

Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Quelle est votre voiture idéale ? Il faut qu'elle ait des jantes qui claquent sa mère. Et vous ? Qu'elle soit connectée, tactile et avec le Bluetooth. Hashtag trop cool. L'hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris Dynamic 5 portes 69 VVT-i en location longue durée 37 mois 45 000 km premier loyer 1750 euros sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement voire toyota.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Tout à l'heure pour le cas d'Opodo dont Bernard nous a parlé et qu'il a réglé avec deux auditrices, elle était en ligne l'auditrice, je l'avais oublié, Nadine. Oui, bonjour. Voilà, je voulais vous faire un gros bisou Nadine, vous serez remboursée, vous l'avez entendu. Oui, ça y est, c'est fait. On a eu le virement lundi soir. Bon, parfait. Eh bien, je suis content, vous allez repartir du coup. Ah ben, on est parti et on est déjà revenu. Ah, vous êtes parti où? Ben là-bas, au Katmandou. Népal. Ah, vous aviez été... Népal. Alors c'est bien, vous me le conseillez, le Népal? Ah, c'est différent, c'est autre chose, c'est à voir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent, Nadine? Ah, ben c'est très pauvre, très très pauvre. Ah, pardon, je pensais que vous alliez me dire c'est très beau, c'est très... Mais oui, évidemment, c'est très pauvre. Ça dépend des régions. Mais est-ce que vous avez trouvé votre richesse intérieure? Ah, j'essaye. Vous avez failli. Elle est passée juste à côté. Elle était fermée ce jour-là, la richesse intérieure. Gros bisous, Nadine. Merci beaucoup, en tous les cas. Revenons, je vous en prie. Oui, Bernard, très rapidement. Vous avez fait une alerte, Julien. Oui. Vous l'avez pas écouté. J'allais donc, y arriver. Ah, bah, excusez-moi, mais bon, mais comme vous ne me regardiez pas, je crois que vous ne m'aimiez pas, tout simplement. Non, voilà. Non, c'est pas que je ne vous regarde pas. J'ai Maître Fellono à côté qui m'a un petit chemisier, excusez-moi, avec deux boutons verts. C'est pas vous que je vais regarder. C'est vrai. Thérèse est avec nous. Thérèse. Oui, oui. Alors, du nouveau, c'est vous qui, tout à l'heure, vous nous avez dit ceci sur l'antenne d'RTL, c'est un cas de ce matin. On prend des assurances pour être à l'abri en cas d'accident. J'ai eu un accident et depuis, c'est la croix et la bannière pour me faire indemniser. Que se passe-t-il ? Il y a du nouveau, Bernard Sabat. Oui, du nouveau qui me fait pas spécialement plaisir, mais c'est du nouveau quand même. Tout simplement, d'abord, le contrat a été signé sous le nom de Argelich de Thérèse, donc ce contrat n'a pas été modifié, donc c'est pour ça que le chèque a été libellé au mauvais nom pour Thérèse, ça c'est le premier point, donc ils vont regarder un petit peu de près auprès du service gestion, et deuxièmement, ils ne souhaitent pas parler à l'antenne, ils vont se rapprocher de Thérèse hors antenne cet après-midi. On est bien d'accord que le problème n'est pas qu'ils se soient trompés de nom, certes, ils vont rectifier, c'est que c'est pas la bonne somme. Ah, déjà, c'est pas la bonne somme, mais c'est pas le bon nom non plus. Oui, d'accord. Donc ça fait deux choses. Voilà, mais, donc, voilà, c'est 1000 euros. Donc, amis de chez Auxia, on les rappellera donc demain s'ils ne veulent pas nous parler. Mais il faut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui parce qu'on a besoin de comprendre si oui ou non. Si elle s'est trompée, on le dira très humblement. Mais si sur le contrat, il est marqué, vous aurez 1000 euros, Maître Fellono. Au moins 1000 euros. Au moins, il est marqué. Pourquoi non, c'est entre 2000 et 4000 pour une indemnisation forfaitaire. Et il y a en plus les frais médicaux. Elle dit qu'elle en a eu pour plus de 1000 euros. Donc, il y a beaucoup plus d'argent que 375 donc, attention. Attention, lisez bien vos contrats Auxia, on les rappelle demain pour voir ce qui s'est passé. C'est peut-être une petite erreur informatique, ça arrive aussi. Et puis elle n'était pas contente parce que j'ai annoncé le temps d'attente de 25 minutes. Elle m'a dit non, ça ne fait que 10 minutes. J'ai dit madame, j'ai un compteur en face de moi et je crois que ça ne lui a pas plu. Voilà, je vous dis franchement. Mais vous avez attendu combien ? 25 minutes, 28. D'accord. Je ne vais pas vous mentir. Ok, alors j'espère vraiment que Auxia va donner des nouvelles. Je vous retrouve demain sur l'antenne d'RTL, Thérèse, pour la porte ouverte, merci. D'accord ? Merci, oui. Je vous en merci prie. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. De rien. C'est un feuilleton que vous suivez jour après jour. Demain, c'est la spéciale porte ouverte. Donc, ceux qui vont passer demain, normalement, auront appelé à partir de 9h. On peut appeler 24h sur 24 pour passer dans l'émission, sauf le jeudi, où nous donnons priorité à ceux qui appellent le jour même. Donc, demain, dès 9h01, vous appelez, et les premiers seront sur l'antenne d'RTL, ce qui ne nous empêchera pas de revenir sur des cas précédents. Allez, c'est parti, rêvons. Ça va démarrer. Mettez-moi plutôt que cette musique-là, la musique des supporters. Mince, c'est quand même vendredi. Ah, mais moi, je me mets le bleu, blanc, rouge sur le front. Hein. Ah oui. Ça y est, les pizzas sont commandées, les copains sont là, le grand écran, la totale. L'équipe de France entre en piste contre la Roumanie. Et pour cela, rien de tel qu'un énorme téléviseur de 165 cm de diagonale. Un Samsung. Qui va le gagner ? Ça sonne maintenant, nous allons voir chez qui nous allons. Nous allons voir si c'est un homme, nous allons voir si c'est une femme. Ça peut être aussi une femme qui a décidé de devenir un homme, ou un homme qui a peut-être décidé de devenir une femme. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Ah, c'est Morissette ? Comment ? Bon, ah, ne me trompez, c'est pas Morissette ? Ah non, c'est pas Madame Brussette. C'est pas Madame Brussette. Bah, pourtant, c'est le numéro que j'ai. Vous êtes la contrôleuse ? Oui. Bah, oui. C'est moi-même. Monsieur Courbet, oui, dit-elle. Monsieur Courbet, oui, ah, quand Courbet, même. Oui, ah, parce que j'étais particulièrement mauvais, vous avez quand même douté un petit peu au début. Un petit peu. Merci de me le dire, ça me fait plaisir. Ouais. Bon. Et pourtant, je vous écoute tous les matins et vous attrapez tout le monde. Donc, bon. Dites-moi, vous êtes marié ? Non. Vous êtes célibataire ? Oui. Oh, mais vous aimez le foot ? Ben, mon fils, oui. Oh, elle a un fils, elle est célibataire, il a quel âge, son fils ? 14 ans. Oh là là là là là là ! À 14 ans, il va voir la plus grande télé du monde ! Oui, ben pour oui. Vous, Sandra ! Ah, super. 165 cm de diagonale. Là, il va se régaler. Là, ça va être le héros de la classe, oui. Croyez-moi. Oui, oui. Surtout que là, on est en cathodique encore, en tube cathodique, avec télé. C'est pas vrai. Donc, si. C'est un choc. Ah, ben là, attention, ça va vous faire un choc. Attention, mettez des lunettes de soleil quand vous allez l'allumer la première fois pour que vos yeux s'habituent. Tu m'en as dit tout de suite. Elle a deux enfants de 14 et 18 ans. Elle est contrôleuse qualité. Je suis ravi. Elle habite à Cholet, dans le Maine-et-Loire, Sandra. Je vous fais un énorme bisou, Sandra. Alors, si jamais vous cherchez, en plus de la télé, éventuellement un compagnon, j'ai toujours Hervé Pouchol qui fait office de cadeau, si ça va. Ça vous intéresse ou pas ? Ça va aller. Non, ça va aller. Voilà, voyez, ah bah, c'est gentil. Enfin une qui vous connaît. Oh bah alors. Et qui ne va pas se faire avoir dans une émission anti-arnaque. Je vous fais un énorme bisou, Sandra. À bientôt. Demain, c'est reparti. Il en reste deux téléviseurs à gagner de 165 cm. Donc, dès 9h30 demain, vous vous tenez au courant de la petite question et de ce qu'il faut taper pour gagner. Beau travail de l'équipe, on a bien avancé sur les dossiers. Il devrait y avoir de la résolution de cas dans les 48 heures sur tout ce que l'on a traité aujourd'hui. Donc, Christiane, l'entreprise de déménagement, c'est réglé, échéancier. Le maire de Dordive, ça continue d'avancer. On a une caravane, une bétonneuse, mais il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Les gens ont appelé directement aussi le site. Thérèse avec l'assurance, si on ne parle pas, mais vous me dites, Bernard, que l'assurance va essayer d'avancer avec elle demain. Oui, cet après-midi, je pense qu'ils vont rentrer en contact et puis ça sera le service de gestion de chez Auxia qui interviendra. Deux voyages annulés ont été remboursés. Bref, tout va bien. Continuez à faire confiance à RTL et en tout cas, nous, sachez-le, le 9h30, 11h, qu'il y ait l'euro ou pas l'euro, on continue. On se bat avec vous jusqu'à début juillet pour avancer dans vos dossiers en faisant les mêmes numéros que vous. RTL. Kia. Voilà, les premières surprises de l'euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. La zone anti-vie chère est chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et jusqu'à 50% en avantage carte. 50%, ça c'est sport. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalités et magasins participants sur intermarché.com du 7 au 12 juin. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio, en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Ciel, mon mari, vite, cache-toi dans ce placard, derrière mes nouvelles portes pliantes KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris, en plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur kz.fr. KZ, les placards de K à Z. Il y avait la Dream Team, mesdames et messieurs. Numéro 1, Maître Felodo. Au revoir. Numéro 3 et numéro 4 en défense, il y avait Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Au revoir. Il y avait en récupérateur Xavier Kassovitch. Au revoir. Voilà. Et le tout dirigé par Alain Hazard. Au revoir. Merci à Sarah, merci à Marie, merci Germain, merci tout le monde, à Lorraine qui était avec nous et qui est loin d'être une quiche, croyez-moi. Bien au contraire, je peux vous dire qu'elle est super performante. Nous allons nous retrouver demain, mesdames et messieurs, entre 9h30 et 11h. N'hésitez pas, tout au long de l'après-midi, vous passerez vendredi, vous passerez lundi prochain, mais demain, c'est la journée porte ouverte, donc c'est dès 9h du matin que vous appelez pour passer dans l'émission. Et il y aura de nouveau un téléviseur Samsung de 165 cm à gagner. On était ravis d'être avec vous. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Tu essaies de garder ton calme, Julien. Même si elle est en face de toi, de l'autre côté de la vitre, et que tu ne penses qu'à ça. Tu ne dois pas penser à ça, Julien. RTL, 11h. Olivia Leray pour l'information. Bonjour Olivia. Bonjour Julien, bonjour à tous. À deux jours de l'Euro de football, la contestation sociale continue contre la loi travail. Les trois principaux sites de traitement des déchets de la région parisienne sont à nouveau bloqués ce matin. Même chose pour l'incinérateur de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et deux autres sites en Ariège. Par ailleurs, les quatre principaux garages de camions-bennes de la ville de Paris sont également paralysés par des chauffeurs grévistes. Et si les poubelles s'amoncellent dans les rues parisiennes, les trains roulent plutôt bien, même si la grève à la SNCF est reconduite par la CGT et Sudrail. Le trafic est moins perturbé aujourd'hui. Comptez 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10 et un Transilien sur 2 et un Intercité sur 2. Soyez prudents dans le nord-est de la France. 18 départements sont toujours en vigilance orange pour les orages. Cela va des Ardennes au Jura et de Lyon au Bas-Rhin avec un risque de grêle, de rafales et d'importantes précipitations en peu de temps. Le village de Pas en Artois dans le Nord-Pas-de-Calais a été l'un des plus touchés de la région hier soir. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL, l'heure est au nettoyage pour les habitants après le passage d'un torrent de boue dans le village. Oui, tout le monde s'active dans ce village sinistré. Sur les 300 habitations qu'il compte, plus de la moitié des foyers a été touchée. L'eau s'est retirée et laisse place désormais à une épaisse boue dans les salons, les cuisines des particuliers. Sur la petite place face au monument aux morts, Caroline botte aux pieds et tuyaux d'arrosage dans les mains. Ça se passe, il y a énormément à faire. C'est hallucinant en fait. La boue a vraiment est rentrée vraiment partout, mais vraiment partout. Partout. Donc on y va carrément au jet d'eau, je crois que c'est ce qui est encore le plus efficace. Et il faut beaucoup de mains, de main d'œuvre. On n'a plus qu'à espérer que d'être bien indemnisé, quoi. C'est surtout ça. Être bien indemnisé, c'est le souci de Raymond. Ce retraité a presque tout perdu. L'ampleur des travaux de nettoyage à réaliser paraît ce matin immense aux yeux des habitants de Pas-sur-Artois. Et puis à Paris, bonne nouvelle pour les amateurs d'art. Les musées du Louvre et d'Orsay rouvrent leurs portes ce matin. Ils étaient fermés depuis la fin de la semaine dernière à cause de la crue de la Seine. Souvenez-vous, le 22 mai dernier, l'extrême droite autrichienne était battue de justesse à l'élection présidentielle par l'écologiste et actuel président Alexander Van der Bellen. Eh bien, le candidat nationaliste Norbert Hofer dépose aujourd'hui un recours pour contester le résultat. 0,6% des voix séparaient les deux hommes. La question d'RTL Midi, Nicolas Sarkozy doit-il mettre fin au suspense de sa candidature à la présidentielle? On attend vos avis sur le site rtl.fr ou au 3210. Les courses ont lieu à Laval aujourd'hui. Les pronostics de Bernard Glass, le 18, le 14, le 2, le 3, le 7, le 6, le 4 et le 17. Dernière minute, le 2, Amiral du Bisson. Côté ciel, le quart nord-est est donc sous des orages violents, mais des averses sont aussi à prévoir en Rhône-Alpes-Auvergne, jusqu'au Languedoc et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le temps est plus calme sur la façade atlantique, le centre et les Hauts-de-France. Les températures, elles grimpent. 13 degrés à Dieppe, 16 à Lille, 20 à Strasbourg, 22 à Paris, 24 à La Rochelle et 28 à Montpellier. Vous êtes sur RTL, il est 11h03, tout de suite à la bonne heure avec vous Stéphane Bern. On vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous place maintenant à la bonne heure avec nos invités Maxime Chattam et puis Arnaud Demanche. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vais vous présenter de façon un peu plus circonstanciée dans un instant, mais je voulais d'abord vous présenter notre petite équipe. Si on ne lui laissait pas passer ses colères, elle serait peut-être devenue une tueuse en série. C'est Joël Goron. Bonjour tout le monde. Bonjour. Toute l'actualité de ce mercredi, si vous l'avez manqué, ben ne la ratez pas dans les Maillots Express de Régis Maillot. Oui, bonjour. Bonjour Régis. Une actualité tellement riche en ce mercredi 8, c'est ça bouge. On va broyer du noir et tâter du cadavre dans le zapping télé d'Éric Dussard. Il nous promet semblable à ce qu'inspirent les livres de Maxime Chatham. Bonjour, bonjour à tous. Bah oui. Moi aussi, je vais vous donner des envies de meurtre, puisqu'on écoutera Les Anges de la télé-réalité. Ah oui, ça. Et puis un homme qui ne voulait plus s'arrêter de chanter sur le plateau de Jean-Luc Reichmann sur TF1. C'est malheureux. Limite, il n'a pas fait appeler la sécurité. Il était insupportable. Une sorte de jugement dernier, c'est le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Oh. Et oui, parce que alors votre héros.